La terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers profondes et affermi sur les fleuves qui l'abritent. Qui montera la montagne de l'Éternel, qui se tiendra dans son lieu saint, celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge vain. Prosterner.